Je suis de là-bas, là-bas, là-bas, bébé. Je suis de là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Au-delà de là, de l'eau, bébé. Au-delà de là, de l'eau, là-là. Je suis de là-bas, là-bas, là-bas, bébé. Je suis de là-bas, là-bas, là-bas, là-là. Au-delà de là, de l'eau, bébé. Au-delà de là, de l'eau, là-là. Je suis de là-bas, là-bas. Je suis de là-bas, là-bas, là-bas, là-là. Au-delà de là, de l'eau, bébé. Au-delà de là, de l'eau, là-là. Au-delà de là, de l'eau, de l'eau, là, de là, de l'eau, de l'eau, là, de là, de l'eau, de l'eau, là, de là, de l'eau, là. Je vois ma vie. Là où je vis, je vais me voir. Et là où je vois, je vais ma vie. Je suis de là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Au-delà.